Septième nuit. Sur la fin de la septième nuit, Dinarzade supplia la sultane de conter la suite de ce beau conte qu'elle n'avait pu achever la veille. « Je le veux bien, » répondit Scheherazade. « Et pour en reprendre le fil, je vous dirai que le vieillard qui menait les deux chiens noirs, continuant de raconter son histoire au génie, aux deux autres vieillards et aux marchands. « Enfin, » leur dit-il, « après 2 mois de navigation, nous arrivâmes heureusement à un port de mer où nous débarquâmes et fîmes un très grand débit de nos marchandises. Moi, surtout, je vendis si bien les miennes que je gagnais 10 pour 1. Nous achetâmes des marchandises du pays pour les transporter et les négocier aux nôtres. Dans le temps que nous étions prêts à nous rembarquer pour notre retour, je rencontrai sur le bord de la mer une dame assez bien faite, mais fort pauvrement habillée. Elle m'aborda, me baisa la main et me pria, avec les dernières instances, de la prendre pour femme et de l'embarquer avec moi. Je fis difficulté de lui accorder ce qu'elle me demandait. Mais elle me dit tant de choses pour me persuader que je ne devais pas prendre garde à sa pauvreté, que j'aurais lieu d'être content de sa conduite, que je me laisserais vaincre. Je lui fis faire des habits propres, et, après l'avoir épousée par un contrat de mariage en bonne forme, je l'embarquai avec moi et nous mîmes la voile. Pendant notre navigation, je trouvai de si belles qualités dans la femme que je venais de prendre que je l'aimais tous les jours de plus en plus. Cependant, mes 2 frères, qui n'avaient pas si bien fait leurs affaires que moi et qui étaient jaloux de ma prospérité, me portaient envie. Leur fureur alla même jusqu'à conspirer contre ma vie. Une nuit, dans le temps que ma femme et moi nous dormions, ils nous jetèrent à la mer. Ma femme était fée et par conséquent génie. Vous jugez bien qu'elle ne se noya pas. Pour moi, il est certain que je serais mort sans son secours. Mais je fus à peine tombé dans l'eau qu'elle m'enleva et me transporta dans une île. Quand il fut jour, la fée me dit « Vous voyez, mon mari, qu'en vous sauvant la vie, je ne vous ai pas mal récompensé du bien que vous m'avez fait. Vous saurez que je suis fée. Et que me trouvant sur le bord de la mer, lorsque vous alliez vous embarquer, je me sentis une forte inclination pour vous. Je voulus éprouver la bonté de votre cœur. Je me présentai devant vous, déguisé comme vous m'avez vu. Vous en avez usé avec moi généreusement. Je suis ravie d'avoir trouvé l'occasion de vous en marquer ma reconnaissance. Mais je suis si irritée contre vos frères, et je ne serais pas satisfaite que je ne leur aurais ôté la vie. » J'écoutais avec admiration le discours de la fée. Je la remerciai le mieux qu'il me fut possible de la grande obligation que je lui avais. « Mais madame, lui dis-je, pour ce qui est de mes frères, je vous supplie de leur pardonner. Quelque sujet que j'ai à me plaindre d'eux, je ne suis pas assez cruelle pour vouloir leur perte. » Je lui racontais ce que j'avais fait pour l'un et l'autre, et mon récit augmentant son indignation contre eux. « Il faut, » s'écria-t-elle, « que je vole tout à l'heure après ces traîtres et ces ingrats, et que j'en tire une prompte vengeance. Je vais submerger leur vaisseau et les précipiter dans le fond de la mer. » « Non, ma belle dame, » repris-je, « au nom de Dieu, n'en faites rien, modérez votre courroux. Songez que ce sont mes frères, et qu'il faut faire le bien pour le mal. » J'apaisai la fée par ces paroles. Et lorsque je les eus prononcées, elle me transporta en un instant de l'île où nous étions, sur le toit de mon logis, qui était en terrasse, et elle disparut un moment après. Je descendis, j'ouvris les portes, et je déterrai les 3000 sequins que j'avais cachés. J'allai ensuite à la place où était ma boutique. Je l'ouvris et je reçus des marchands, mes voisins, des compliments sur mon retour. Quand je rentrai chez moi, j'aperçus ces 2 chiens noirs qui vinrent m'aborder d'un air soumis. Je ne savais ce que cela signifiait, j'en étais fort étonné. Mais la fée, qui parut bientôt, m'en éclaircit. « Mon mari, me dit-elle, ne soyez pas surpris de voir ces 2 chiens chez vous. Ce sont vos 2 frères. » Je frémis à ces mots, et je lui demandai par quelle puissance ils se trouvaient en cet état. « C'est moi qui les y ai mis, me répondit-elle. Au moins, c'est une de mes sœurs à qui j'en ai donné la commission, et qui, en même temps, a coulé à fond leur vaisseau. Vous y perdez les marchandises que vous y aviez, mais je vous récompenserai d'ailleurs. À l'égard de vos frères, je les ai condamnés à demeurer 10 ans sous cette forme. leur perfidie ne les rend que trop dignes de cette pénitence. Enfin, après m'avoir enseigné où je pourrais avoir de ses nouvelles, elle disparut. Présentement que les 10 années sont accomplies, je suis en chemin pour l'aller chercher. Et comme, en passant par ici, j'ai rencontré ce marchand et le bon vieillard qui mène sa biche, je me suis arrêté avec eux. Voilà quelle est mon histoire, ô prince des génies. Ne vous paraît-elle pas des plus extraordinaires ? J'en conviens, répond le génie, et je remets aussi en sa faveur le second tiers du crime dont ce marchand est coupable envers moi. Aussitôt que le second vieillard eut achevé son histoire, le troisième prit la parole et fit au génie la même demande que les deux premiers, c'est-à-dire de remettre au marchand le troisième tiers de son crime, supposé que l'histoire qu'il avait à lui raconter surpassa en événements singuliers les deux qu'il venait d'entendre. Le génie lui fit la même promesse qu'aux deux autres. « Écoutez donc, » lui dit alors ce vieillard. « Mais le jour paraît, » dit Scheherazade en se reprenant, « il faut que je m'arrête en cet endroit. » « Je ne puis assez admirer, ma sœur, » dit alors Dinarzade, « les aventures que vous venez de raconter. » « J'en sais une infinité d'autres, » répondit la sultane, « qui sont encore plus belles. » Shahriar, voulant savoir si le conte du troisième vieillard serait aussi agréable que celui du second, différa jusqu'au lendemain la mort de Scheherazade.